إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au chapitre 65 du livre de l'Unicité, que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre « On ne demande pas l'intercession d'Allah auprès de l'une de ses créatures ». Donc l'intercession, on en a déjà parlé dans un chapitre précédent que l'auteur rahimahullah ta'ala a réservé à ce sujet. Et on a vu que l'intercession, c'est le fait de faire appel à une tierce personne qui va intercéder pour nous auprès d'une autre afin d'obtenir un bien ou d'être protégé d'un mal. Et le jugement de l'intercession, de cette manière, il dépend de la raison pour laquelle on intercède, de l'objectif. Si l'objectif est bon, alors cette intercession est bonne et l'intercesseur est récompensé pour celle-ci. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, en verset 85 de Surat An-Nisa, « مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا » Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura alors une part, c'est-à-dire une part de récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et muslim rahimahum allahu ta'ala, « Intercédez, vous serez récompensés ». Ceci fait donc partie des œuvres de bien. Toutefois, si cette intercession a un objectif mauvais, un objectif interdit, alors celle-ci également sera interdite. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset que l'on vient de citer, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et parmi les exemples de mauvaises intercessions que les gens de science ont cités, il y a le fait qu'une personne essaye d'intercéder en faveur d'un criminel qui va être condamné à une peine légale, comme par exemple la peine du voleur, la peine du meurtrier, la peine du diffamateur. Le fait de tenter d'intercéder en sa faveur afin que la peine ne soit pas appliquée sur lui, une fois que son cas a été présenté au détenteur de l'autorité, ceci est interdit comme le démontrent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette intercession est mauvaise et illicite. Donc, ceci concerne l'intercession par des créatures auprès des créatures, par des hommes auprès des hommes. Quant au fait de demander l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'une de ses créatures, alors ceci est une chose qui est blâmable. Car celui auprès de qui on intercède, de manière générale, il a un rang plus éminent que celui qui intercède. En général, les gens vont intercéder auprès des rois, auprès des gens riches, auprès des détenteurs de l'autorité, et ainsi de suite. Et celui qui vient intercéder, il a un rang moindre que ce roi ou que ce détenteur de l'autorité. Donc, le fait de demander l'intercession d'Allah auprès d'une de ses créatures, cela revient à considérer que cette créature a un rang plus éminent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez donc pourquoi ceci est une chose qui est sévèrement blâmée. Car c'est une forme de mépris et de rabaissement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci porte atteinte à la croyance du tawhid. Et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné dans ce livre. Et il a mentionné la preuve à ce sujet tirée de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit. D'après Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, un bédouin est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô messager d'Allah, les gens s'affaiblissent, les enfants sont affamés, et les richesses sont anéanties. Donc, demande pour nous la pluie à ton Seigneur. Donc tous ces méfaits que ce bédouin a mentionnés ici, ils ont été causés par l'absence de pluie, en raison de la sécheresse. Car ceux qui vivent à la campagne, ils dépendent directement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre comme pluie. Donc en temps de sécheresse, ceci leur porte préjudice, car leur plantation ne pousse pas, leur bétail n'a pas de quoi manger, et ainsi de suite. On voit donc à travers cela que la pluie est un bienfait immense parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne retient la pluie qu'en raison des péchés et des mauvaises actions des serviteurs. C'est pour cela qu'en temps de sécheresse, il incombe à chacun d'entre nous d'être conscient que ceci provient de nos péchés et qu'il nous incombe de nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son pardon. Donc ce bédouin, il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: demande donc pour nous la pluie à ton Seigneur. Et ceci fait partie des habitudes des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Lorsque la pluie ne tombait pas et qu'ils souffraient de la sécheresse, ils se rendaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils demandent la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des choses qui sont légiférées, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Il se rendait donc auprès de lui et lui demandait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait favorablement à leur demande. Parfois, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il se trouvait au milieu de ses compagnons. Parfois, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala lors du sermon du vendredi. Parfois, il se rendait au musalla et il accomplissait la prière de demande de pluie. Et après celle-ci, il faisait un sermon et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse descendre la pluie. Et on a vu les détails au sujet de cette prière lors de l'étude du chapitre à ce sujet dans le livre Manhaj al-Salikin. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se rendaient auprès des califes bien guidés. Ils venaient par exemple à Omar radiyallahu ta'ala anhu et lui demandaient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar lui-même demandait à Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse descendre la pluie. Donc le fait que ce bédouin soit venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui adresser cette demande, ceci est une chose bonne et acceptée. Toutefois, ce bédouin, il ne s'est pas arrêté à cela. Mais après avoir adressé cette demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: nous demandons l'intercession d'Allah auprès de toi et ton intercession auprès d'Allah. Et ceci est la parole blâmable qu'il a prononcée. Car il a considéré Allah subhanahu wa ta'ala comme un intercesseur auprès de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, l'intercesseur, il est d'un degré moindre que celui auprès de qui on intercède. Ceci est donc une forme de mépris et de rabaissement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé et il a dit: Subhanallah, Subhanallah, pureté à Allah, pureté à Allah. Et ceci faisait également partie des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il voyait ou qu'il entendait une chose qu'il réprouvait ou une chose qui lui plaisait, il faisait le tasbih. Il disait Subhanallah. Et donc ici, il l'a prononcé à titre de blâme en raison de la parole que ces bédouins venaient de prononcer. Et il ne cessait de la répéter. Il ne cessait de répéter le tasbih jusqu'à ce que cela se voie sur les visages de ses compagnons. C'est-à-dire que les compagnons ont compris la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point d'être touchés eux aussi et que leur colère également se voit sur leur visage. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam s'adressant à ce bédouin: malheur à toi. Et ceci est également une parole qu'il emploie à titre de blâme. Sais-tu qui est Allah? Il lui pose cette question afin qu'il prenne conscience de la gravité de la parole qu'il venait de prononcer, et attirer son attention concernant le fait qu'il n'a prononcé cette parole qu'en raison de son ignorance de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son immensité, de sa majesté, et qu'il est bien au-dessus du fait qu'on le prenne pour intercesseur auprès d'une de ses créatures. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, son rang est bien plus immense que cela. On ne demande l'intercession d'Allah auprès de personne parmi ses créatures. On voit donc dans ce hadith, à travers cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction claire de ce qu'a mentionné l'auteur dans le titre de ce chapitre. On ne demande pas l'intercession d'Allah auprès d'une de ses créatures. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir blâmé ce bédouin, il lui a expliqué quelle était la parole blâmable qu'il venait de prononcer. On tire donc de ce hadith plusieurs bénéfices. Premièrement, il y a en celui-ci la preuve de la légitimité de la demande de la pluie lorsque celle-ci tarde à tomber et que les gens souffrent de la sécheresse. Et ceci fait partie des sunnas confirmées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi une preuve que le fait de demander à une personne vertueuse, qui est vivante et présente, d'invoquer en faveur des musulmans, alors il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas blâmé ce bédouin pour sa demande, mais il l'a seulement blâmé en raison du fait qu'il a demandé l'intercession d'Allah auprès de lui. Quant au fait qu'il lui ait demandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse tomber la pluie, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé en cela. Ceci est donc une preuve qu'il est permis de demander à une personne vivante et présente d'invoquer en notre faveur ou en faveur des musulmans. Et il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Toutefois, aucune demande ne peut être adressée à un mort, aussi vertueux et aussi éminent soit-il auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est un prophète ou un messager, même si c'est un homme pieux, même si c'était un grand savant. À partir du moment où il est mort, il n'est pas permis de lui adresser quoi que ce soit comme demande. En effet, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, on a vu qu'ils avaient pour habitude de se rendre auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui adresser ce genre de demande. Mais après sa mort, est-ce qu'il est rapporté que l'un d'entre eux se rendait auprès de sa tombe pour lui adresser des demandes? La réponse est non. Personne parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'a fait cela. Il se rendait auprès de lui durant son vivant, et une fois qu'il est mort, il se rendait auprès d'autres que lui parmi les vertueux qui étaient vivants, comme Omar, radiyallahu ta'ala anhu, l'a fait lorsqu'il a demandé à l'Abbas d'invoquer afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la pluie. Il était vivant et présent. Quant au mort, il n'est pas permis de lui adresser une quelconque demande, car ceci fait partie du polythéisme, comme on l'a vu dans des cours précédents. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la preuve de l'obligation d'interdire et de condamner le blâmable. En effet, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ce bédouin et n'a pas été complaisant envers lui. Parfois, certaines personnes voient ou entendent une chose très blâmable qui se produit devant eux, mais ils ne disent rien. Ils se taisent, ou alors, par peur de la réaction des gens, ou alors par complaisance. Ils disent, c'est un ignorant. Il dit cela, je ne vais pas le blâmer, il ne va pas comprendre. Ceci est une erreur. Lui, il est ignorant, mais toi, tu n'es pas ignorant, tu sais que c'est une chose blâmable. Donc il t'incombe de le blâmer et de lui enseigner le bien, de lui indiquer que cette chose n'est pas permise, et l'orienter vers une chose bonne et permise qui la remplacera, comme on l'a vu dans des hadiths précédents. Le troisième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est la preuve de l'interdiction de demander l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'une de ses créatures. Car ceci porte atteinte à la croyance, et c'est un manquement dans le tawhid, et c'est une forme de malfaisance et de mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la légitimité de prononcer le tasbih ou le takbir, de dire subhanallah ou encore Allahu akbar, lorsqu'une chose blâmable se produit, ou alors lorsqu'une chose surprenante se produit. Il t'est permis à titre de blâme de dire subhanallah, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et il en est de même lorsque tu es étonné, lorsque tu es surpris par une chose, de dire subhanallah ou Allahu akbar. Ceci fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a donc terminé avec ce chapitre et on va passer au chapitre suivant, qui est le chapitre 66, que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre au sujet de ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant sa protection du domaine du tawhid et son obstruction des voies menant au shirk, des voies menant au polythéisme. On a déjà vu dans ce livre un chapitre dont le titre est semblable à celui-ci, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de préserver le tawhid. Et ici, il nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de grands efforts afin de préserver le domaine du tawhid, c'est-à-dire même ce qui est autour du tawhid, ce qui s'en approche, ce qui est lié. Et ces efforts pour obstruer tout chemin pouvant mener la personne à commettre du shirk. Même si ces choses ne relèvent pas du polythéisme, même si ces choses ne sont pas interdites en elles-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces choses afin de couper court à toute voie menant au shirk et afin de préserver le domaine du tawhid. Car même si une chose est permise, si celle-ci peut conduire à un interdit, alors cette chose devient elle aussi interdite. Elle prend le jugement de la chose à laquelle elle mène. Étant donné qu'elle mène à un interdit, même si elle était permise à la base, elle sera alors interdite. Donc toute chose pouvant mener à un interdit, pouvant mener à l'innovation, pouvant mener au shirk, elle est interdite dans notre noble religion. Et les exemples de cela sont nombreux dans la législation, et nous allons en voir un ici, dans les hadiths que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Il a donc mentionné ici deux hadiths, et le premier est rapporté par Abdullah ibn Shikhir, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, je me suis rendu auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec la délégation de Bani Amir, et nous lui avons dit, tu es notre maître. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, le maître c'est Allah. Nous avons dit, tu es le meilleur d'entre nous, le plus grand d'entre nous. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dites ce que vous dites, ou une partie de ce que vous dites, mais que le diable ne se serve pas de vous. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud d'une bonne chaîne de transmission. Ils se sont donc adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant tu es notre maître. Et ceci faisait partie des habitudes des Arabes lorsqu'ils se rendaient auprès d'une personne éminente, auprès d'un roi, auprès d'un chef de tribu, et ainsi de suite. Ils lui faisaient des éloges et prononçaient ce genre de paroles afin de le complimenter. Ils ont donc pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme les dirigeants des Arabes et comme les rois des Arabes. Ils lui ont donc dit, tu es notre maître. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés. Et il leur a dit, le maître c'est Allah. Le Sayyid c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu couper court à toute forme d'exagération à son sujet. Et il leur a dit cela afin qu'il délaisse ce genre de paroles lorsqu'il s'adresse à lui. Le mot Sayyid, que l'on a traduit par le maître, il désigne en arabe El-Malik, le possesseur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Sayyid, c'est lui El-Malik, car c'est lui le possesseur absolu, qui dirige tout dans cet univers et qui possède tout dans cet univers. C'est donc lui le maître et les créatures sont ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc voulu éviter que les gens exagèrent à son sujet dans les éloges. Et on a vu des exemples de cela dans de nombreux hadiths dans ce livre. Comme lorsqu'il a dit, on ne demande pas mon secours, mais on ne demande le secours que d'Allah. Malgré que ceci concernait une chose pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable de donner son secours à ses compagnons. Mais il a voulu sallallahu alayhi wa sallam enseigner à sa communauté le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans d'autres hadiths, n'exagérez pas à mon sujet, n'exagérez pas dans mes éloges, je ne suis qu'un serviteur, dites le serviteur d'Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc interdit l'exagération dans ses éloges dans de nombreux hadiths, et ce, par compassion envers sa communauté, et par crainte qu'il tombe dans le polythéisme. Car l'exagération dans les éloges et dans les compliments, cela mène à prendre cette personne qu'on complimente comme associée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus si celui-ci est un prophète, ou alors un homme vertueux, ou alors un savant, une personne qui a un rang éminent auprès des gens. Il n'est donc pas permis d'exagérer dans les éloges, car ceci peut mener au polythéisme. De plus, le fait de faire des éloges excessifs à une personne, si cela est fait en sa présence, cela peut le conduire à la vanité. Donc ceci comprend deux interdits. Le premier est concernant celui qui adresse les compliments, car ceci est une forme d'exagération. Et le deuxième est concernant celui à qui les compliments sont adressés, car ceci peut le mener à la vanité et se penser supérieur aux gens, et naîtra alors l'orgueil dans son cœur, wal'iyadu billah. Et l'obligation pour chacun d'entre nous, c'est d'être conscient de son rang et de faire preuve d'humilité et d'avilissement devant notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, en étant conscient que nous sommes des créatures faibles, que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous sommes des créatures comme toute autre créature. Et rien ne distingue entre les hommes si ce n'est la piété et les œuvres pieuses. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs vertueux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a blâmés dans ce hadith afin de fermer la porte à toute voie menant au polythéisme. Puis il leur a dit, dites ce que vous dites ou une partie de ce que vous dites. C'est-à-dire, dites les paroles qui sont habituellement dites au messager, comme en lui disant, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah. C'est ainsi que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans exagération. Puis il dit, et que le diable ne se serve pas de vous. C'est-à-dire, ne soyez pas des envoyés du diable, de sorte à ce qu'il se serve de vous et de ce compliment que vous adressez, afin d'égarer les gens et de les mener à l'exagération qui les mènera au polythéisme ou à l'ayadu billah. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième hadith dans le même sens. Et il a dit d'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, des gens ont dit, ô messager d'Allah. Donc on a dit, dans cette appellation, il n'y a pas de mal à s'adresser ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela ne comprend aucune forme d'exagération. Ils ont ensuite dit, ô le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. Ô notre maître et le fils de notre maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc blâmés, car il ne voulait pas de ces compliments. Et il voulait qu'on ne le décrive que par ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, comme le fait qu'il est le prophète et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et cela lui suffit comme honneur. Il ne voulait donc pas de ces éloges excessives, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a donc dit, ô vous les gens, dites votre parole, mais que le diable ne vous fasse pas tomber dans le suivi des passions. Ou alors, on pourrait traduire selon une autre explication, mais que le diable ne vous pousse pas à votre perte, c'est-à-dire à l'égarement. Il a donc voulu leur dire que ces éloges excessives, elles peuvent conduire au suivi des passions qui vous égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles pourront également vous faire tomber dans votre perte, car le diable souhaite votre égarement, vous égarer du droit chemin. Et pour cela, il y va pas à pas, étape par étape, petit à petit. Il va donc commencer par ce genre de choses que les gens pensent anodines et insignifiantes. Le fait d'exagérer dans les éloges des gens, d'exagérer dans les éloges des savants, d'exagérer dans les éloges des vertueux. Tout ceci sont des choses qui peuvent mener au polythéisme et qui peuvent porter atteinte à la croyance du tawhid. Le musulman, il doit donc prendre garde au diable et à ses ruses et à ses pièges. Car un petit péché, il peut rapidement devenir grand si la personne n'y prête pas attention. Wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ensuite dit, je suis Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Et l'auteur nous dit que ce hadith est rapporté par Al-Nasa'i d'une chaîne de transmission qui est bonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ici la raison pourquoi il a interdit cela. Il n'aime pas être élevé à un rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné. C'est-à-dire qu'il a eu peur que ses éloges les mènent à exagérer à son sujet, au point de l'élever au-dessus de la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, qui est la servitude et la prophétie, et le fait qu'il est le messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc craint que des gens exagèrent et l'élèvent au-dessus de cela, comme les chrétiens l'ont fait avec Isa alayhi salam. On tire donc de ces deux hadiths différents bénéfices. Le premier, qui est le plus important ici, car c'est ce qui est lié à ce chapitre, c'est l'interdiction d'exagérer au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le décrivant par des caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas données, comme le fait que c'est lui qui sauverait du châtiment, ou encore qui pardonnerait les péchés, ou qui secourirait les serviteurs au jour de la résurrection. Beaucoup de personnes aujourd'hui pense cela concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il prononce même des paroles en ce sens dans des poèmes, comme c'est le cas de ce poème qui a appris est récité dans de nombreux endroits, appelé Al-Burda d'Al-Busayri. Ce poème, il contient de l'exagération à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui relève du polythéisme. Dedans, il dit une phrase dont le sens est que nul ne peut sauver du châtiment au jour de la résurrection si ce n'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a-t-il laissé à Allah? Si seul le messager sallallahu alayhi wa sallam peut nous sauver, qu'en est-il d'Allah? Et ce poème, il est appris et récité dans de nombreux pays. Il le récite notamment lorsqu'il célèbre le Maulid, ainsi que d'autres poèmes contenant de nombreuses phrases relevant du polythéisme et de la mécréance. Et tout ceci en raison de leur exagération à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu souhaites faire les éloges du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois le faire que de la manière légiférée, en disant qu'il est un serviteur, qu'il est un messager, qu'il est un prophète, qu'il est la meilleure des créatures, le meilleur des hommes. Il n'y a pas de mal en cela, comme cela est venu dans les poèmes de certains parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. En cela, il n'y a pas de mal, car ce sont réellement ses qualités, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, il concerne le mot « essayyid ». On voit ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit de le qualifier ainsi. Et ceci est problématique car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lui-même qualifié ainsi dans certains hadiths et il a même qualifié de sayyid certains de ses compagnons. Il dit par exemple dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et d'autres: Je suis le maître des enfants d'Adam. Et il a dit au sujet de son petit-fils Al-Hassan, le fils de Ali: Mon fils que voici est un sayyid, est un maître. Il dit également Al-Hassan et Al-Hussein. Ces deux petits-fils, les enfants de Ali et Fatima, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ce sont les deux maîtres des jeunes des gens du paradis. Et lorsqu'on est venu avec Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au Ansar: Levez-vous vers votre maître. Donc, comment réunir entre ces différents hadiths? Les gens de science ont divergé à ce sujet en différents avis. Le premier avis est l'interdiction d'utiliser le mot as-sayyid concernant une créature. Mais ce nom est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est venu dans le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, As-Sayyid, c'est Allah. Et concernant les hadiths que l'on vient de mentionner, ils ont dit que ce sont des hadiths qui ont précédé celui-ci. Car ce hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, et cet événement, il s'est déroulé l'année des délégations, l'année où de nombreuses délégations se rendaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était la 9e année de l'Hégire. Donc, ils ont dit que ce hadith vient abroger les autres qui l'ont précédé. Le deuxième avis est qu'il est permis de manière absolue de qualifier une créature comme étant un sayyid, comme le démontrent les hadiths que l'on a mentionnés à ce sujet. Et ils ont dit que le hadith mentionnant l'interdiction, il nous prouve que ceci est détestable et non pas interdit de manière absolue. Le troisième avis est que cela est permis de façon absolue et que cela n'est pas détestable. Sauf dans le cas où on craint l'exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela car il craignait l'exagération à son sujet. Donc, si on craint qu'une personne exagère au sujet d'une autre, on lui interdira de qualifier cette personne comme étant un sayyid, comme étant le maître. Mais si on ne craint pas l'exagération, alors il n'y a pas de gêne en cela. Et il y a également un quatrième avis qui mentionne que cela est permis sauf lorsque cela est prononcé en présence de la personne. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a blâmé ces gens qui lui ont dit ces paroles face à lui, en sa présence. Donc, il est interdit de dire à une personne en sa présence: tu es le sayyid, ou alors tu es notre maître, tu es notre sayyid, ou d'autres paroles semblables. Et ce, par peur que cette personne soit prise de vanité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de complimenter une personne en sa présence. Ceci sont donc les différents avis des gens de science concernant cette question. Et ici, il y a une remarque importante à faire, car ce mot sayyid, aujourd'hui, il est employé au sujet des personnes au sujet desquelles on exagère au point de penser qu'elles ont la faculté de pouvoir nuire ou profiter en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est le cas de ce que font nombre de personnes parmi les adorateurs de tombes, parmi les confréries soufis et autres, qui appellent les hommes qu'ils qualifient comme étant des vertueux et qu'ils adorent auprès de leur tombe, comme étant leur sayyid. Et c'est pour cela que lorsqu'ils invoquent, ils disent Ya Sidi Foulan, Ya Sidi Foulan, et ainsi de suite. Donc, dans cette situation, il n'y a aucun doute que si cette parole est accompagnée de cette croyance, alors elle est interdite. Il n'est donc pas permis d'appeler ces gens Sayyid, car cette appellation est basée sur une croyance erronée relevant du polythéisme. Wallahul musta'an. Enfin, le troisième bénéfice que l'on va mentionner ici, et c'est ce pourquoi l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ces hadiths dans ce chapitre. C'est la preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait de grands efforts pour protéger le domaine du tawhid et couper court et obstruer toutes les voies pouvant mener au polythéisme. On voit ici qu'il a interdit de le qualifier comme étant le maître, de le qualifier comme étant le meilleur, de le qualifier comme étant le plus grand. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est réellement le maître des enfants d'Adam. Il est réellement le meilleur d'entre nous. Malgré cela, il a réprouvé ses paroles par peur de l'exagération à son sujet et par crainte que ceci mène au polythéisme. Donc si telle est la situation concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, que dire de ceux qui exagèrent dans les éloges de ceux qui sont moindres que lui, parmi les gens venus après lui et pire encore, parmi les contemporains, parmi les gens de science ou autres, et les qualifie parfois par des caractéristiques qui ne se retrouvent même pas en eux. Il n'y a pas de doute que cette exagération est une exagération qui est blâmable et qui s'oppose à la perfection du tawhid. On a donc terminé avec ce chapitre. On verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, le dernier chapitre de ce livre concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.